Études françaises. Découverte 1. Série verte. Leçon 1. Arthur à Paris. Bonjour, Paris! Une rue à Paris. C'est Monsieur Rigaud avec Julien et Arthur. Arthur est un perroquet. Paris! Paris! Bonjour madame, bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur, je m'appelle Catherine Rigaud. Moi, je suis Bernard Rigaud. Bonjour. Et moi, je m'appelle Charles Lacombe. À bientôt. Salut, je m'appelle Isabelle. Et toi, tu t'appelles comment ? Julien. Salut Isabelle. Oh, un perroquet. Qui est-ce? C'est Arthur. Bonjour Arthur. À bientôt Julien. Salut. Arthur, Arthur, Arthur. Bonjour, tu es Arthur? Non, madame. Je suis Julien. Julien Rigaud. Au revoir, monsieur. Arthur, tu es bête. Oui, monsieur. Au revoir, monsieur. À bientôt.